Une petite réflexion sur François Mauriac à nouveau, parce que j'ai entendu sur France Info, comme quoi hein, la culture vient de partout, que en fait son fils sort un livre qui s'appelle Le Général et François Mauriac, je crois. Le Général pour le Général de Gaulle. Bon, c'est le fils qui se fait un peu mousser parce qu'il a connu de Gaulle. Donc il est fier de lui, parce que de Gaulle admirait son père à lui, mais enfin bon, lui, il était content d'avoir rentré de Gaulle, il avait envie de le dire. Bon. Mais surtout, parler des rapports entre Mauriac et de Gaulle. Alors, c'est amusant quand on considère que tout ce qu'on veut retenir sur le plan politique de Mauriac, c'est que, ah, il était gaulliste. Il était gaulliste. Ouais. Ouais. Ça m'amuse pas mal quand même. C'est bon, bref, comme j'ai dit dans un précédent enregistrement, Mauriac était antisémite hein, quand même avant-guerre. Alors moi, bien sûr qu'il est gaulliste, et sincèrement, mais je trouve que c'est quand même un peu facile de résumer une pensée politique d'un homme avec son côté gaulliste, et puis d'oublier, pour certains hommes, mais pas pour tous, hein, le côté antisémite. Bon, Hergé, moi je repense toujours à Hergé parce que, bon, on l'a emmerdé, forcément on lui a posé la question. Ce qui était bien d'ailleurs, hein, moi c'est vrai qu'on l'a emmerdé, mais à juste titre. Et puis il a dit, bah ouais, c'est bête, et puis à l'époque tout le monde l'était, enfin, ou beaucoup de gens l'étaient, bon. Mauriac, c'est le cas, il est mort, enfin bon, on l'a pas embêté, mais. En tout cas, aujourd'hui, qu'on nous fasse pas le grand homme, le coup du grand homme, bref. Mais ça, c'est pas la raison pour laquelle je fais un enregistrement, parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fils a avoué, ou je sais pas, enfin bref, l'homosexualité de son père. Alors, en des mots un peu bizarres d'ailleurs, hein, il semble à la fois dire oui, mais pas homosexuel comme d'autres, sous-entendu d'autres qui sont passés à l'acte. Et lui, il éprouvait une grande tendresse de cœur pour des écrivains, etc. Bon, enfin. Mais enfin, le mot homosexualité a été prononcé quand même, ou juste pour dire pas homosexuel comme. Bon, certes. Alors, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien. Il a aussi parlé du fait que, à vivre, Mauriac, c'était pas quelqu'un d'agréable. Bon, ça me surprend pas trop, hein. Ça me surprend pas trop parce que. On sent quand même que. Enfin, bon, c'est des personnes hypersensibles, et en fait. Alors, il disait quoi? Il a dit quoi de son père? Il a dit que c'était quelqu'un qui était pas très à l'aise en famille, qui voulait pas s'ouvrir en famille, qui était très distant, froid. Et en fait, ça corrobore tout ça. Alors maintenant, je vais faire un peu de lien avec ce que je pense et ce que j'ai lu. C'est que, en fait, tout ça, ça va avec. Ça explique mieux un peu pourquoi Thérèse d'Escuroux, déjà. J'avais l'impression que Thérèse, c'était lui. C'était Mauriac. Bon, facile, hein, c'est normal aussi, c'est pas nouveau. Bon, tous les héros de romance, hein, y en a beaucoup qui ont des traits de caractère du lot de l'auteur. Hein. Bon, c'est... Mais là, ça se comprend encore mieux dans le sens où, bon, Thérèse, elle est en rébellion contre son monde, qu'elle supporte pas. Et en fait, c'est probablement quelque chose qui a dû arriver à Mauriac. Du moins, jusqu'à un certain point, et jusqu'au point de son homosexualité, entre autres. D'ailleurs, toujours la fascination de Paris, effectivement, c'est pas la même chose, le petit village de province où il aurait pas pu faire un pas de travers, et puis Paris où il aurait pu vivre une vie d'homosexuel non refoulé. Ce qu'il a été, manifestement, en tout cas, ouais. Alors, je sais pas d'ailleurs sur quoi se base son fils, mais enfin, c'est pas rien de le dire. Pas que ça se savait dans certains milieux, mais que personne ne disait. Bon. En tout cas, moi, ça ne me surprend pas par rapport à deux choses. D'une part, effectivement, le fait qu'il puisse s'identifier à cette Thérèse qui est en rébellion contre son environnement, et lui, il était effectivement en rébellion, mais d'une façon sans doute très refoulée. Refoulée, peut-être, mais en tout cas, qu'il rendait désagréable. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que lui, bon... Est-ce que l'action de Thérèse, c'est pas le fantasme d'un Mauriac qui aurait voulu, lui, avoir le courage de se libérer de son monde pour aller vivre librement à Paris? On peut le voir comme ça. C'est presque un fant... un fantasme de meurtre dont lui n'a pas fait preuve, enfin, tant mieux pour lui, hein, mais dont il avait besoin de fantasmer ça pour décharger une part de sa frustration, de sa déception, de son refoulement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis moi, on sent bien, Thérèse, et c'est là que ça relie au deuxième point, c'est que Thérèse, c'est un peu Mauriac. Bon. Mais Thérèse, c'est pas une femme comme les autres. Alors ça, non, ça, il le dit. Thérèse, les autres femmes, ah, les autres femmes, elles sont... Mais Thérèse, non, hein. Thérèse, elle est intelligente, Thérèse, elle n'a pas les défauts des femmes, habituelles. Et là qu'il y a une, et moi, il m'est apparu une contradiction, que j'avais exprimée d'ailleurs, c'est la contradiction entre un homme qui, par rapport à la liberté d'une femme, était très progressiste. Alors, derrière ça, je ne veux pas dire que Mauriac n'était pas progressiste, pas sur ce point, ça non. Mais, en fait, même si ça c'est vrai, peut-être, on peut y voir une métaphore du progressisme dont il aurait rêvé par rapport à son homosexualité. Une société qui lui permette de vivre. Et ce qu'il regrette comme absence de liberté pour une femme mariée, en fait, il regrette, c'est une métaphore du regret de manque de liberté que peut avoir un homosexuel dans la société de l'époque, en province, dans un petit village, etc. Pour ça qu'il fait aussi cette dichotomie Paris-province, peut-être aussi, c'est une des raisons. Mais bref, donc très intéressant à ce niveau-là, le fait que... Cette femme, disons que en traçant le destin de Thérèse, il se permet un progressisme. Mais cette vision moderne, je la trouve justement contradictoire avec autre chose. C'est une forme de misogynie. Et ça m'a frappé dans, je sais plus lequel, mais enfin, peut-être moins d'ailleurs, Thérèse d'Esquerou, moins, mais dans les autres un peu plus. On sent vraiment, oui, une misogynie. Les femmes sont, ah là là, ils leur prêtent, ils essentialisent la femme avec des bêtises. Bien sûr qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais je trouve que là, c'était une façon un peu, enfin, je trouvais ça brutal, un peu, et puis surtout très méprisant. C'est pas un trait de caractère, c'est carrément de la bêtise qu'ils leur prêtaient. De la malhonnêteté foncière, bon. Il faut que je fasse attention parce que... Parfois, je dois verser là-dedans aussi. Bon. En tout cas, misogynie. Alors, misogynie, puis à côté de ça, progressiste dans les droits des femmes, ça s'explique mal. Si ce n'est par deux choses. D'une part, le progressisme, comme je l'ai dit, c'est ce qu'il aurait souhaité pour un homme homosexuel. Donc, c'est la femme libre, c'est la métaphore de l'homosexuel libre. Et de l'autre, c'est la misogynie. La misogynie, bah oui, qu'on retrouve. Dans un certain discours homosexuel. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, les homosexuels, amis des femmes, qui les comprennent, gna gna gna, oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une forme de mépris fondamental pour ce qu'est la femme. Entre guillemets, indigne d'être aimée. Ou des défauts, une essentialisation un peu étrange qui m'avait toujours paru un peu bizarre. Et ben ça explique, en tout cas, ça explique l'homosexualité de Mauriac, explique cette forme de misogynie, selon moi. Hein, c'est très... Bon, ça n'engage que moi. Mais moi, je trouve intéressant de faire le lien entre les deux. Voilà, donc c'est tout. C'était pour faire cette petite réflexion, parce que c'est pas rien quand même dans la vie d'un auteur. Alors, le grand homme, oui, mais le grand homme, pas terrible en famille, antisémite. Homosexuel, voilà, bon, je ne mets pas les choses sur le même plan, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais c'était des choses honteuses, ça c'est le point commun, c'était des choses honteuses. Pour l'antisémitisme, ça l'est encore, heureusement, mais c'est intéressant quand même de voir que il fallait tout camoufler, et d'ailleurs on camoufle encore. Ah, effectivement, le fils, lui, met un pavé dans la mare. Pourquoi il fait ça? Ça regarde sans doute son rapport à son père, et puis il faudrait lire le livre pour le savoir. Je n'ai pas spécialement envie d'entendre, enfin de lire les aventures de Mauriac et de Gaulle, ces hommes, ces hommes supérieurs qui s'étaient trouvés. Mais bon, d'accord, oui. Certes. Mais bon, je pense pas que ce soit forcément passionnant. Mais en tout cas, ce fait est quand même intéressant pour comprendre les romans de Mauriac. Voilà, c'est tout pour cette dernière note sur Mauriac, avant la prochaine, parce qu'il reste beaucoup, beaucoup de romans, j'ai pas lu.